Eh bien, il est 8h21 et Patrick Dion est auteur, chroniqueur et rédacteur de Cliquer sur les ondes de TV5. Bonjour Patrick. Bon matin, gelé. Oui, effectivement. Il y a Kim.com qui est de retour en force. Ben, retour en force, on peut le dire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le 19 janvier 2012, le site Mega Upload était fermé par le FBI. Dans un, dans un scénario vraiment des meilleurs films d'Hollywood, en plus, avec les hélicoptères, le FBI qui descend avec les fusils, plutôt. C'était vraiment... D'ailleurs, ce clip-là est en ligne, hein, si vous voulez voir ça. C'est pas une simulation. Non, absolument pas. La vraie descente du FBI est en ligne. Ouais. Donc, Kim.com, de son vrai nom, Kim Schmidt, s'est arrêté dans son manoir en Nouvelle-Angleterre, puis a été inculpé avec 6 autres personnes pour conspiration en vue d'activités économiques illégales, pour contrefaçon de copyright et pour blanchiment d'argent. Il risque 60 ans de prison pour ça. Pourquoi? Parce qu'on on disait que il permettait aux gens de déposer des fichiers sur une plateforme d'hébergement, et ces fichiers-là, les gens se servaient de la plateforme pour héberger des films illégaux, etc. Des émissions télé, ouais, exactement. MP3. C'est un petit peu étrange pareil. Je veux dire, c'est pareil comme si on accusait Ford de fournir les voitures aux voleurs de voitures. C'est un petit peu bizarre comme meurtre. Mettons que c'est détourné un petit peu, mais bon. Voilà, il faisait face à ça, puis il a été remis en liberté sous caution sans pouvoir se brancher sur Internet jusqu'au mois d'avril 2012, où il a eu droit à un assouplissement de sa peine parce que il y avait eu des irrégularités lors de la descente, dont entre autres une écoute illégale de la part du FBI. Exactement. Donc, il devrait se présenter quand même en cours aux États-Unis en septembre prochain. Maintenant, est-ce qu'il va finir par se présenter à cause justement de ces irrégularités? C'est dur à dire, irrégularités là. Ouais, à 8h23, c'est pas facile. Ouais, c'est ça, je pense, la bouche gelée. Son nouveau site s'appelle tout simplement Mega. Ben, exactement. Donc, samedi dernier, pratiquement un an jour pour jour, il lance une nouvelle plateforme d'hébergement qui s'appelle tout simplement Mega, accessible au mega.co.nz, et qui propose encore une fois une plateforme d'hébergement de fichiers pour les internautes. La différence avec la plateforme supplémentaire, c'est que cette plateforme-là propose une sécurité qui permet entre autres de ne pas savoir quel est le contenu de ces données-là au téléchargement. Donc, impossible d'y accéder pour le FBI, à moins d'aller voir un fichier un après l'autre. La grosse différence, en fait, je dis une plateforme d'hébergement, mais c'est une immense plateforme d'hébergement. C'est la grosse différence avec les compétiteurs autres comme Dropbox, par exemple, qui a, tu vois, Dropbox offre 2,5 GB d'hébergement, alors qu'un compte gratuit chez Mega t'offre 50 GB d'hébergement. Ah, tu peux avoir un compte professionnel pour 30$ par mois, tu as droit à 4 TB d'hébergement, ce qui représente à peu près l'équivalent de 5700 films. C'est immense. Et donc, là, est-ce qu'il risque de se faire poursuivre? Est-ce qu'on va avoir une autre descente avec des hélicoptères du FBI? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais moi, ce que je retire de ça, c'est que on a beau essayer d'enrayer la piraterie, il y a toujours des petits malins qui vont trouver leur chemin. C'est une opération du FBI qui avait été très critiquée parce que tout le monde disait, on va simplement, il y a des gens qui vont prendre la relève. C'est toujours ce qui arrive, exactement. Fait que la meilleure preuve, justement, c'est on voit que Kim.com vient justement d'ouvrir son nouveau site, qui, malgré quelques ratés, est quand même maintenant accessible. Mais il y a eu quand même 1 million de visiteurs les premières 14 heures. C'est quand même un beau coup de marketing en plus de la part de Kim.com. Autre site web à surveiller. En fait, je crois que c'est plus un blog Sauve ta bouffe. Mais en fait, c'est une plateforme. Je sais pas si tu te rappelles, quand tu as quitté le nid familial, ta maman te disait, Marc-André, quand tu vas faire l'épicerie, mange pas avant. Je veux dire, on a tous eu ce conseil-là de nos parents. Puis on a parfois certains. Puis ça fonctionne en plus. C'est ce qui est le beau truc. Et on a tous parfois besoin de petits conseils. En fait, c'est le contraire. Mange ça. Avant d'aller faire l'épicerie. Oui, j'ai dit mange pas. Oui, mange pas. C'est le contraire parce que sinon dit, tu vas tout acheter. À matin. Tu vas tout acheter. Donc mange pas avant d'aller faire l'épicerie. Comme ça, t'arrives le ventre plein, t'as pas le goût de rien acheter. Alors ça fait des épiceries pas chères. Mais outre ces conseils-là, il y a aussi plein de questions qu'on se pose dans la vie. Comme par exemple, qu'est-ce que je fais avec mes oignons? Est-ce que je les mets au frigidaire ou bien donc est-ce que je les mets dans le garde-manger? Qu'est-ce qui arrive encore avec ma baguette de pain trop? Est-ce que je la jette au vidange? Plein de questions comme ça. Donc préoccupé par ces conséquences là, de gaspillage dans notre société, particulièrement en alimentation, l'organisme Les Amis de la Terre a mis sur pied une initiative qui s'appelle Sauve ta bouffe, qui vise à augmenter notre niveau de connaissance culinaire et ainsi utiliser nos aliments de façon optimale. Alors, je trouve ça particulièrement intelligent, une belle façon de vider nos poubelles, en fait. Ben, écoute, surtout que récemment, à l'émission, on parlait de ce fameux rapport qui venait du Royaume-Uni et qui avançait qu'on dépensait, qu'on gaspillait là, près de la moitié de la nourriture qui était produite sur la Terre pour différentes raisons. Oui, bien, entre autres... On parlait de milliards de tonnes de nourriture gaspillées chaque année. Oui, bien, en plus du gaspillage, il y a plein de trucs qu'on ne connaît pas, comme par exemple, les feuilles de carotte, c'est comestible. On jette beaucoup de trucs qu'on pourrait manger. Mm-hmm. C'est une belle initiative. Et on termine avec un nouveau Tumblr qui concerne nos voisins, nos chers voisins. Ouais, ben il n'y a pas de nouveau, mais je suis tombé sur une note vraiment amusante la semaine dernière. Moi, j'aime Tumblr. Je trouve que c'est la plateforme que les internautes se sont le mieux appropriée. Puis, étant donné qu'on peut les rendre collaboratifs, il sort des perles, je pense entre autres à Choqué à l'épicerie. Je ne sais pas si tu as vu le Tumblr Choqué à l'épicerie, où les internautes prennent des photos de bouffe à l'épicerie qui est mal placée. Parce qu'on a tout fait aussi, on a tout choqué soi-même. Quelque part, t'arrives à la caisse, tu dis, j'ai pas besoin de ça. Exactement. Tu vas le porter sur la première étagère. Non, tu vas pas le porter dans le fond du magasin. Ben tu mets ça sur le bar avec les tablettes de chocolat, là. Voilà, exactement. Donc, dans le même genre, il y a un nouveau Tumblr ou plus ou moins nouveau qui s'appelle Chers voisins et qui sont des photos de notes qui sont prises dans les différents immeubles, des notes que les voisins se laissent entre eux. J'ai amené un petit exemple ce matin. Je trouve ça extrêmement drôle. Alors, à la Mylène Farmer du 5e étage, nous respectons votre voix de baryton, mais nous infligez tous les dimanches entre 8h et 10h. Je suis libertine. Je suis une catin. C'est dur. Vos vocalises amusent beaucoup notre fille qui depuis peu s'est mise à chanter. Je suis très gentille. Je suis un lapin. C'est un enfer. Par pitié pour la santé mentale de vos voisins et évitez un massacre collectif. Arrêtez d'écouter ce putain de morceau de merde. Merci à l'avance. C'est une vraie note. C'est une vraie note. Photographie. Exactement, qui était dans un immeuble. Je trouve ça très, très drôle. Allez-vous y perdre de longues minutes. C'est très tendant. On laisse tous les liens de cette chronique sur notre Facebook des Absolument. Oranges Pressées. Patrick Dion, merci beaucoup. Oui, puis je me recycle pas en chanteur, promis. C'est enregistré, la promesse. Zut. Je veux pas avoir d'album, là. Je promets.